d'accord, une soirée qui va être arrosée. On est tous déjà prêts et on sera bourrés. On a enfin décidé chez qui l'a passé. Cherchez pas, il n'existe pas le capitaine de soirée. Clara et sa vodka est complètement fracas. Mick fait le geek et avec la powerball il nous nique. Vincent coupe le magret, Vincent veut la montrer. Myriam et Laetitia font un bruit de fond assez sympa. C'est encore une soirée qui va être arrosée. On est tous déjà prêts et on sera bourrés. On a enfin décidé chez qui l'a passé. Ne cherchez pas, il n'existe pas le capitaine de soirée. Cherchez pas, il n'existe pas le capitaine de soirée.